le faux embaume tombant. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie, la Californie, la Californie, la Californie. Près des orangers, c'est là que t'attends. Au fond de tes rêves, ton prince charmant. Près d'ici.